Premier livre des rois, chapitre 15. La 18e année du roi Jéroboam fils de Nébat, Abijam commença à régner sur Juda. Et il régna 3 ans à Jérusalem, sa mère avait nom Maaka, et était fille d'Abisalom. Il marcha dans tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point pur envers l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mais pour l'amour de David l'Éternel, son Dieu lui donna une lampe dans Jérusalem, lui suscitant son fils après lui, et protégeant Jérusalem, parce que David avait fait ce qui est droit devant l'Éternel, et tout le temps de sa vie il ne s'était point détourné de rien qui lui eût commandé, hormis dans l'affaire d'Urilétien. Or il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam, tout le temps que Roboam vécut. Et le reste des actions d'Abijam, et même tout ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut aussi guerre entre Abijam et Jéroboam. Ainsi Abijam s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit en la cité de David, et Asa son fils régna en sa place. La 20e année de Jéroboam roi d'Israël, Asa commença à régner sur Juda. Et il régna 41 ans à Jérusalem, sa mère avait nom Maaka, et elle était fille d'Abisalom. Et Asa fit ce qui est droit devant l'Éternel, comme David son père. Car il abolit du pays les prostituées à la paillardise, et ôta tous les dieux de fiente que ses pères avaient faits. Et même il déposa sa mère Maaka, afin qu'elle ne fût plus régente, parce qu'elle avait fait un simulacre pour un bocage, et Asa mit en pièces le simulacre qu'elle avait fait, et le brûla près du torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne furent point ôtés, néanmoins le cœur d'Asa fut droit envers l'Éternel tout le temps de sa vie. Et il remit dans la maison de l'Éternel, les choses qui avaient été consacrées par son père, avec ce qu'il avait aussi lui-même consacré, d'argent, d'or, et de vaisseaux et il y eut guerre entre Asa et Baasa roi d'Israël tout le temps de leur vie. Car Baasa roi d'Israël monta contre Juda, et bâtit Rama, afin de ne laisser sortir ni entrer personne vers Asa roi de Juda. Et Asa prit tout l'argent et l'or qui était demeuré dans les trésors de l'Éternel, et dans les trésors de la maison royale, et les donna à ses serviteurs, et le roi Asa les envoya vers Ben-Hadad fils de Tabrimon, fils d'Esjon roi de Syrie, qui demeurait à Damas, pour lui dire, « Il y a alliance entre moi et toi, et entre mon père et le tien, voici, je t'envoie un présent en argent et en or, va. Romps l'alliance que tu as avec Baasa roi d'Israël, et qu'il se retire de moi. » Et Ben-Hadad accorda cela au roi Asa, et envoya les capitaines de son armée, contre les villes d'Israël, et frappa Ijon, Dan, Abel-Beth-Maaka, et Toukinroth, qui étaient joignés en tout le pays de Nephtali. Et il arriva qu'aussitôt que Baasa l'eut appris, il cessa de bâtir Rama, et demeura à Tirsa. Alors le roi Asa fit publier partout Juda que tous, sans en excepter aucun, eussent à emporter les pierres et le bois de Rama, que Baasa faisait bâtir, et le roi Asa en bâtit Geba de Benjamin, et Mitzpa. Le reste de tous les faits d'Asa, et toute sa valeur, et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Au reste, il fut malade de ses pieds au temps de sa vieillesse. Et Asa s'endormit avec ses pères, avec lesquels il fut enseveli en la cité de David son père, et Josaphat son fils régna en sa place. Or Nadab fils de Jéroboam, commença à régner sur Israël, la seconde année d'Asa roi de Juda, et il régna 2 ans sur Israël. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, et suivit le train de son père, et le péché par lequel il avait fait pécher Israël. Et Baasa fils d'Aïja de la maison d'Issacar, fit une conspiration contre lui, et le frappa devant Gibeton qui était aux Philistins, lorsque Nadab et tout Israël assiégeaient Gibeton. Baasa donc le fit mourir la 3e année d'Asa roi de Juda, et il régna en sa place, et aussitôt qu'il vint à régner, il frappa toute la maison de Jéroboam, et il ne laissa aucune âme vivante de la race de Jéroboam qu'il n'extermina, selon la parole de l'Éternel qu'il avait proférée par son serviteur Aïja Silonite, à cause des péchés de Jéroboam qu'il avait fait, et par lesquels il avait fait pécher Israël, et à cause du péché par lequel il avait irrité l'Éternel le Dieu d'Israël. Le reste des faits de Nadab, et même tout ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Or il y eut guerre entre Asa et Baasa roi d'Israël, tout le temps de leur vie. La troisième année d'Asa roi de Juda, Baasa fils d'Aïja commença à régner sur tout Israël à Tirsa, et régna 24 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, et suivit le train de Jéroboam, et son péché, par lequel il avait fait pécher Israël.